Alors, les violences policières, moi je fais partie de la manif l'avant-dernière sur la loi travail. J'étais étonnée de voir un hélico. On a appris après que l'hélico était celui de la police qui nous a survolé pendant tout le temps de la manif. Moi, le seul heurt que j'ai remarqué, c'est une vitrine qui a été peinturlurée. A priori, les autres devant la mairie de Nantes, c'était dû à l'ancienne manif. Et moi, j'ai trouvé ça très très bon enfant. Et durant toute la manif, grosso modo, on a eu un hélico au-dessus de nous. Bon, des CRF, mais c'est normal hein, qu'ils soient là. Hein, ils assurent le service d'ordre. Et puis, par contre, j'ai été très très surprise d'apprendre par ma babysitter en fin de journée qu'il y avait des violences. Donc, grosso modo, a priori, les violences déjà se déroulent la majeure partie du temps après les manifs, après dislocation. Nous, il y a quelqu'un qui a tenté, impossible de savoir si c'était quelqu'un du cortège ou si c'était quelqu'un des forces de l'ordre ou n'importe quoi, ou un casseur ou ce que tu veux. Impossible de savoir pendant le cortège, en tout cas, il y a eu une bombe lacrymo de lancer. Les manifestants ont gueulé, mais ils n'ont pas réussi à disloquer le cortège. Par contre, en fin de journée, oui, j'ai appris qu'il y avait eu des violences policières, qu'il y avait eu des casses, et c'est à la dislocation. C'est-à-dire une fois que le cortège, que toute la manif était passée, déjà, donc ça fait un gros, gros bémol. C'est-à-dire que le problème n'est pas pendant la manifestation elle-même, mais après la manifestation. Après, savoir qui c'est, ceci, cela, je m'en fous. Le seul problème, moi, ma visiteur, elle m'a juste dit, j'ai vu des flics lancer des bombes lacrymo, il y avait des personnes âgées, il y avait des enfants. Moi, je n'ai rien vu des casseurs. Bon, ça te pose question, maintenant t'es pas là pour vérifier. C'est tout. Après, t'apprends seulement que Nantes est la première ville de France à avoir des violences policières en cas de manifestation. C'est tout, et c'était une surprise. Dans le panier de la connerie, tu vas taper sur les gars qui n'ont pas voulu marcher tout droit et que ton odeur n'impressionne pas. Tu me diras que tu fais ton boulot, que t'es pas payé pour le cerveau. Heureusement qu'on ne paye pas pour ça, parce que sinon tu boufferais quoi? Peut-être les flics de Paris. Peut-être les flics de Paris. Eh ben, j'ai participé à pas mal de manifestations et j'ai constaté que, au fur et à mesure que la manif avance, il y a une espèce d'agacement, que ce soit du côté des flics ou du côté des manifestants, des réactions un peu épidermiques qui vont dégénérer. Et je voudrais du coup, ouais, je voudrais me contredire un argument que j'ai pas mal entendu dans la bouche de certains manifestants même, qui disaient que s'il n'y avait pas les keufs, ça dégénérerait mille fois plus. J'en suis pas certain en fait. J'ai vu passer des fois des gazages de cortège dans les horaires et dans les tracés de la manif, alors qu'il se passait pas démentiellement grand chose. J'ai vu des personnes un peu âgées ou des gamins ou qui étaient des dégâts collatéraux, des gens en terrasse. Voilà, donc faudrait peut-être repenser l'utilisation du gaz lacrymogène. Je pense aussi à la manif de jeudi dernier où les gaz lacrymogènes se sont infiltrés dans l'hôpital de l'Hôtel Dieu qui ont déclenché l'alarme incendie. Et voilà, c'est parce que le garage était à ciel ouvert et que quand on remplit le garage, à terme on remplit l'hôpital de gaz. Voilà, donc c'est une arme qui fait pas vraiment de distinction entre les casseurs et les autres et qui crée de l'agacement. Et voilà, il y a des trucs un peu dommages comme ça qui sont produits. Peut-être sur ce mouvement-là, je suis agréablement surpris. Je trouve ça cool que ça se produise. Les deux fois où je me suis pointé, je pensais voir personne. En fait, il y a du monde. Et je pensais aussi que ce serait un peu stérile, parce que dans ma tête, ce serait une espèce d'AG. Et les AG que j'ai vus, en tout cas, il y avait des prises de parole par les leaders d'opinion. Mais il y a 10 personnes qui parlent et 100 personnes qui écoutent. Là, c'est pas vraiment ça ce que j'ai vu, c'est plutôt un peu tout le monde qui prend la parole, donc je suis plutôt content de voir ça. Et voilà, je reviendrai. Et avec les copains, on a des idées d'ateliers à proposer. Et voilà. Merci. De rien. À bientôt. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Disons que la répression, ça joue beaucoup sur le local, mais ça, c'est une visée nationale avec la montée du mouvement social en ce moment, que ce soit les AG étudiantes ou même des AG interco qui commencent à se faire, les coordinations nationales étudiantes aussi, des fois ont eu des difficultés à se réunir et tout ça. Mais on voit quand même une belle solidarité derrière de la part des travailleurs ou des personnels dans les universités, comme par exemple la dernière coordination nationale étudiante qui a eu à Rennes 2. Il y a des personnels qui sont restés pour les aider jusqu'au petit matin et tout ça, et fait même la première avant à Paris, je crois que c'était Paris 10, Paris 8 ou Paris 10, qui les ont pareil soutenus, qui ont dit on sait que c'est, effectivement c'est long, mais vous êtes là pour nous aider, donc on vous soutient à tout. Après effectivement il y a eu de la répression pour ceux qui voulaient se réunir en AG. Donc déjà, il y a eu, il n'y a pas longtemps, je crois, c'était à Strasbourg, il y a eu des étudiants qui se sont fait virer. Manu Militari, hein, sans faire un jeu de mots sur Manuel Valls, mais en gros c'est ça, Manu Militari. Il y a eu l'histoire du jeune lycéen de Bergson. Le jeune lycéen, je ne vais pas insister sur la couleur parce que c'est pas ça qui m'importe, mais ce jeune lycéen noir qui était tabassé par la police, qui a justement parlé de porter plainte. Il y a aussi, il n'y a pas longtemps, les manifestations qui ont eu lieu, je crois que c'était sur Paris, là, il n'y a pas longtemps, qu'il y a 130 personnes qui se sont fait coffrer. Tout ça, ça montre une forte répression de l'état de policier. Pourquoi ? Parce que la première violence, de toute manière, est institutionnelle. Et après, ils viennent faire les vierges effarouchées en disant derrière « Ah mais ils ont commencé, ils ont brûlé des lycées, ils ont cassé la devanture de banques, de commerce. » Mais qui est le premier à utiliser la violence ? Qui est le premier à gazer sur des manifestants qui étaient assis sur Toulouse ou à Strasbourg ? Qui a commencé lors des premières manifestations au mois de mars à agresser 4 camarades dont certains sont partis, je crois d'ailleurs les 4 camarades sont partis à l'hôpital alors qu'ils étaient assis pacifiquement. On les a traînés comme un animal qu'on apportera à l'abattoir, parce qu'en gros c'est ça dans leur visée, les flics, ils ont l'impression d'avoir un animal qu'on emporte à l'abattoir et on tape dans la viande, en gros c'est ça quoi. Ils ont une cible en face et ils tapent dans la viande, en gros c'est ça, on est de la viande sur laquelle ils tapent allègrement et ils déversent leur haine. Ceux qui n'ont pas compris, les flics, certains ne vont pas forcément être d'accord avec ça, mais les flics, ils ont une pression de la part de l'État pour remplir ce rôle là qui est pour eux contre nature, parce que le principe du flic, c'est normalement d'être là, pas pour faire la répression, mais d'être là pour protéger, servir et protéger. C'est, là, ils servent, oui, mais les intérêts... Et pour protéger quoi ? Mais l'État, c'est plus une force publique, c'est une force privée qui sert des intérêts privés, capitalistes, élitistes, c'est-à-dire les intérêts de l'État. Il y a 3 violences qui existent. L'institutionnelle, la répressive et la révolutionnaire. Et ce qui est marrant, c'est de voir ces grands philosophes, ces grands spécialistes sur les réseaux sociaux, ou même sur BFM et toutes ces saloperies de chaînes de grands médias là, qui appartiennent au système capitaliste, qui disent « Oui, mais alors vous savez, c'est des casseurs, c'est des jeunes, ils vont manifester, mais ils savent même pas pourquoi. Ils ont commencé à chercher les flics, alors ils l'ont mérité, en gros, quoi. Ils savent même pas pourquoi ils traînent dehors, parce que finalement, ils en ont d'autres à foutre. Ils ont foutu la merde, donc c'est normal qu'ils s'en prennent plein la gueule. » Et ces grands spécialistes, en fait, ils savent rien du mouvement social. Est-ce qu'ils ont déjà été véritablement manifestés avec les jeunes qui étaient dehors ? Non, c'est des gens qui se targuent de parler de mouvement social et de croire justement, de dire « je sais tout » alors qu'en fait ils ne savent rien. Et cette répression-là, la première violence, est institutionnelle. Ils vont dire que la première violence vient des jeunes alors qu'elle vient d'État. Parce que qui envoie les flics ? C'est l'État. C'est pas le pape François qui les envoie, c'est pas les voisins du quartier qui appellent les flics, machin, quoi que ce soit. C'est des présidents d'université, c'est les préfets, c'est sous ordre du ministère et tout, voilà. Donc clairement, monsieur Valls, monsieur Cazeneuve, vous êtes coupable de violence institutionnelle, vous êtes coupable de tentatives de... Enfin même, pas de tentatives, vous êtes... coupable de coups et blessures sur des jeunes, sur des mineurs. Là, il y a un mineur, apparemment, j'ai cru voir qu'il devait passer en comparution immédiate, qui a 15 ans, et qui peut risquer apparemment jusqu'à 75 000 euros d'amende et je crois 10 ans de prison ferme. On parle d'un mineur de 15 ans, hein. On parle pas d'un adulte, on parle d'un mineur de 15 ans. C'est un ado, c'est encore entre guillemets un gosse, sans vouloir être paternaliste. un gosse de 15 ans, quoi. Enfin, merde, 10 ans. Alors attends, un chat, il y a un gars qui avait voulu blesser un chat, a pris un enferme. Sur des syndicalistes comme les Goodyear, le procureur avait requis 24 mois, donc c'est-à-dire 2 enfermes. Et là, on propose grand maximum 10 enfermes sur un lycéen. C'est quoi là? C'est ok, je suis communiste, je vais peut-être faire un petit peu d'humour là-dessus, mais c'est quoi? C'est la Stasi? C'est quoi là? C'est, ils ont rien à envier aux déviances politiques de l'URSS en fait, au gouvernement socialiste. S'il est bien socialiste sur une chose, c'est sur les déviances sécuritaires, quoi. Ça il faut bien le dire. Donc non, ces flics, ils doivent comprendre que ils sont opprimés par l'État et que le nombre de suicides qu'il y a chez les flics, c'est parce qu'ils sont en train de servir des intérêts privés, qu'ils sont en train de se dénaturer, ils sont en train de se pourrir la vie, ils sont en train de se détruire, tout ça pour servir des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes. Et le jour où ils comprendront qu'ils devront déposer leur bouclier et leur tonfa, je suis peut-être utopiste, il y en a qui vont dire « Ouais, mais tu dis de la merde, les flics ne peuvent pas venir avec nous. » Ben ce jour-là, le jour où ils comprendront qu'il y aura du monde et que ces assemblées, elles dureront 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, et que ça tient et qu'on obtiendra peut-être plus que le retrait de la loi travail, parce qu'on a obtenu le retrait du CPE, peut-être qu'ils viendront avec nous et que là, ils comprendront qu'effectivement, les intérêts privés, ils doivent plus les défendre. Et on a vu ce qui s'est passé juste pour terminer là-dessus, République. Il y a des flics qui sont nus, qui avaient le sourire, qui étaient en train de discuter avec les manifestants en République. Si à Paris, ils sont capables de le faire, on est très bien capables de le faire ailleurs. Le problème, c'est qu'à Nantes, ils ont pas cette pensée-là, les flics, ils sont là juste pour taper dans la viande. Et nous, on va leur dire, on n'est pas de la viande, on peut être de la dynamite, et si on doit vous péter la gueule, on vous pétera la gueule. Si vous voulez nous faire disparaître, vous brûlerez avec nous. I padroni governo, la stampa, la televisione. In ogni scontento si vede uno sporco cinese. Uniamoci tutti a difendere le istituzioni. Ma oggi ho visto nel corteo tante facce sorridenti, le compagne 15 anni, gli operai con gli studenti, il potere agli operai, no al sistema del padrone, sempre uniti vinceremo, viva la rivoluzione, quando poi le camionette hanno fatto i caroselli, i compagni hanno impugnato i bastoni dei cartelli, ed ho visto le auto blindo rovesciate, poi bruciate, tanti e tanti poliziotti con le teste fracassate. Oggi ho visto nel corteo tante facce sorridenti, le compagne 15 anni, gli operai con gli studenti, il potere agli operai, dal sistema del padrone, sempre uniti vinceremo, viva la rivoluzione, quando poi le camionette hanno fatto i caroselli, i compagni hanno impugnato i bastoni dei cartelli, ed ho visto le auto blindo rovesciate, poi bruciate, tanti e tanti poliziotti con le teste fracassate. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta lotterà con noi domani. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta lotterà con noi domani. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta lotterà con noi domani. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta lotterà con noi domani. La violenza.